Le projet désarchivage est la théorisation d'une action. Le geste de rechercher des documents, des idées, des théories considérées comme classées pour les consulter, éventuellement les réélaborer et les actualiser. Cette action vise à libérer l'histoire, figée dans les manuels universitaires, dans des cercles restreints considérés comme savants, une histoire simplement conservée, oubliée dans une bibliothèque, afin de démocratiser sa diffusion et son écriture. L'histoire est d'abord la transcription d'événements produits par des individus, par des peuples. Événements maintes fois manipulés et exploités par les pouvoirs pour fonder leurs droits. Ce type d'exploitation a souvent modifié les faits réels et restitué des histoires plus proches d'un récit romanesque que d'une narration des faits. Ces récits fantastiques demeurent gravés dans les couches de la mémoire collective, sous forme d'images historicisées, qui à leur tour se modifient selon la qualité de leur temps. Ces altérations se sont superposées jusqu'à définir des espaces de réalité accrochés à des simulacres. L'histoire est donc une matière vivante, critiquable et réinscriptible. Le désarchivage est une pratique pour apprendre à déceler les multiples vérités cachées derrière une histoire, pour apprendre à décomposer le monde qui nous entoure, à le déstructurer pour pouvoir le reconstruire, l'améliorer. L'objectif n'est pas la recherche d'une vérité absolue. L'histoire sera toujours un ensemble de théories, mais d'acquérir la liberté d'y croire ou de ne pas y croire. Avec Désarchivage 2, l'ambition est d'aller creuser l'histoire du territoire de la plaine Saint-Denis, loin dans ses origines. Avec l'aide de l'historienne Anne Lombard-Jourdan et à travers une lecture de la toponymie de ses rues et de ses quartiers, on remontera jusqu'à effleurer sa proto-histoire pour analyser les traces gravées dans la mémoire des lieux et reconstruire un passé que le temps a renvoyé sous forme variable et improbable. Bien que Désarchivage 2 ne soit pas un travail d'historien, les images que nous évoquerons font partie d'un temps révolu qui peut changer d'apparence selon les filtres appliqués ou les changements de point de vue. Comme toute histoire, il s'agit donc d'une histoire possible parmi d'autres. À la fin de ce voyage, ce sera à vous, mesdames et messieurs, de décider de mettre au panier cette expérience, de voir le Stade de France comme un grand temple, de chevaucher les rues comme des fantômes, de changer de nom à la ville d'Aubervilliers ou tout simplement d'imaginer un décor différent pour votre vie.